Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'écouter une conférence sur les histoires des communautés potières dans le Nord-Cotentin. Et c'est Patrice Mouchel-Vallon, qui est un professeur d'histoire-géographie dans un lycée, qui nous présente l'histoire rocambolesque de ses ancêtres potiers du XVIe siècle jusqu'à la Restauration. Voilà, il a fait cette conférence puisqu'il était invité à l'occasion d'un marché d'ateliers d'artisans et notamment de potiers près de Morlaix afin de parler de l'histoire sociale de son pays. À travers cette histoire, il évoque surtout les débuts de la privatisation du territoire par l'État-nation en cours de constitution avec surtout la création de ce qu'on appelle le domaine public et tout ce qui est autour de la législation concernant les eaux et forêts. Cette législation et ce domaine sont censés préserver les ressources, mais en fait, à l'époque, ça signe déjà la fin de la gratuité des usages publics pour les individus et les communautés qui vivaient dans ces lieux et dont les ressources participaient à leur subsistance. Ce domaine public, entre guillemets, est donc réglementé, encadré juridiquement, mais essentiellement pour les classes dominantes, à savoir en Angleterre, par exemple, pour la chasse des nobles, et en France, notamment, pour l'industrie et la construction navale. À l'époque, il s'agit déjà en fait d'une forme d'enclosure qui est assez spécifique à la France puisqu'elle passe non pas par les intérêts privés comme ce qui s'est passé en Angleterre, mais par la législation de l'État et l'intervention directe des pouvoirs publics. Enfin, directe, on va voir, comme Patrice Mouchel-Vallon va nous l'exposer, que cette intervention directe, elle subit quelques réactions de la part des populations et que ça ne se passe pas toujours dans le calme et la sérénité, voire même ces populations, pour certaines d'entre elles en tout cas, organisent l'illégalité de manière assez ferme et réussissent à tenir en échec pendant quelques temps cette velléité des pouvoirs dits publics de s'approprier leurs ressources. C'est une conférence qui a été donnée en public. Patrice Mouchel-Vallon s'est appuyé sur un certain nombre d'illustrations, de cartes et de diapositives, mais malheureusement, à Radio Zinzine, comme on n'a pas la couleur, eh ben, vous ne pourrez pas les voir en direct. Mais je pense que pour avoir écouté la conférence plusieurs fois, c'est tout à fait compréhensible sans tout ça, même si peut-être pour ceux que ça intéresse vraiment, il faut écouter l'émission avec une carte du Nord-Cotentin, ça aide un petit peu. Je me présente, Patrice Mouchel-Vallon, donc je suis prof d'histoire-géo au lycée Alain, à Alençon, dans le sud de la Normandie, aux limites de la Sarthe. Et évidemment, je suis originaire de la Manche, et de par mon nom, c'est évidemment des ancêtres potiers qui parlent par ma bouche, mais il n'y avait pas de lien direct entre mes propres études d'histoire et le fait qu'un jour, je serais amené à réfléchir sur ceux qui font des pots. Puisque, comme vous voyez, le titre l'indique, je vais parler plus des potiers que de la poterie, mais il est possible que ce que j'explique ait une portée plus générale que le seul pays de Normandie. Quand j'étais gamin, je devais avoir 6 ou 7 ans, je demandais à mon père pourquoi on s'appelait Mouchel-Vallon, et mon père ne savait pas exactement pourquoi, mais il m'expliquait qu'un nombre important de paroissiens du village où il était né s'appelait Mouchel, et qu'il était indispensable d'ajouter un deuxième nom pour savoir qui était qui. Et c'est vrai que sur près de 2000 habitants, 40% des gens s'appelaient Mouchel. Et comme tout gamin de 6 ou 7 ans qui pose des questions à son père, c'est comment ça se fait qu'ils étaient tous au même endroit? Et mon père m'expliquait que parce qu'ils pratiquaient la poterie, je ne voyais pas tout de suite le rapport entre le fait que tout le monde soit au même endroit et porte le même nom. Et l'enchaînement pour mon père était simple, c'était parce qu'ils faisaient tous de la poterie, ils étaient obligés d'avoir un deuxième nom pour se distinguer, ce qui ne répondait pas à la question, pourquoi sont-ils tous là? Et il me disait que c'était pour garder le secret du métier entre eux et qu'ils ne puissent pas être communiqués aux autres. Et quand on est gamin, un père nous répond, on croit ce qu'il nous dit, ou a priori, tout ce qu'il m'avait dit est quasiment faux. Mais il n'en savait pas plus que moi sur le sujet, le fait d'être descendant de potier, ça donne absolument aucun critère. Et il se trouve que quand j'étais collégien ou lycéen, j'étais surtout passionné d'histoire antique. Donc en principe, j'aurais jamais dû travailler sur les potiers. Il n'y avait pas de lien direct, même si la céramique de l'Antiquité, elle n'a aucun rapport avec celle de Normandie. Et le hasard a voulu qu'un jour que je visitais les archives de la Manche, le sous-archiviste qui devait être inspiré m'a mis entre les mains un document étonnant qui datait de 1786, si j'ai de bonne mémoire, et qui donnait la liste des potiers de Sosmény avec effectivement, presque tous s'appelaient Mouchel. Et il y avait des noms, et entre autres, il y avait un Mouchel Vallon, ce qui n'a pas manqué de m'intriguer. Mais de là à faire un travail là-dessus, j'étais toujours passionné de Sparte, de Carthage, et on ne m'aurait jamais parlé d'études des potiers. D'abord, on avait très très peu de documents. Le sujet sur lequel je vais parler bute sur un problème majeur, c'est que les potiers ne laissent pas de traces. En dehors de leurs œuvres et de la terre cuite, ce ne sont pas des gens qui aiment discuter de ce qu'ils font, et s'ils ont leur propre expérience, elle est généralement peu comparable avec ce qui se fait ailleurs. Le potier ne laisse pas de traces, et l'historien, il a besoin d'archives pour pouvoir réfléchir. Il m'a fallu, je crois que c'est un moment curieux, celui de la maîtrise, donc à Bac plus 4. J'ai suggéré à mon prof de Caen de faire un mémoire de maîtrise sur les potiers de Sosmény, et sa première réflexion a été de dire, de toute façon, dans la Manche, vous n'avez pas d'archives, alors vous n'allez pas pouvoir travailler, puisque tout a été brûlé en 1944. Et moi, j'avais dit que j'avais commencé un peu la généalogie, mais je pensais qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec des dispenses de consanguinité, avec un peu de notariat. Et de fil en aiguille, nous sommes en 2015, j'ai après passé les concours pour devenir prof, etc. Et quand les enfants sont devenus grands, je suis revenu sur le travail des potiers parce que j'estimais que ce que j'avais fait comme travail d'étudiant était insuffisant. Parce que c'est bête à dire, mais il faut consulter des dizaines de milliers de documents avant de trouver une petite trace de potier quand ils veulent bien nous laisser une information sur ce qu'ils ont fait. Et autant vous dire qu'il faut des années et des années pour pouvoir sortir quelque chose. Et là, je vais vous emmener dans cette presqu'île qui est à côté de la presqu'île de Bretagne, qui s'appelle la presqu'île du Cotentin. Et même si je suis parfaitement au courant que c'est à la Normandie et qu'ici c'est à la Bretagne, que le Mont-Saint-Michel, on ne discutera pas, la zone dont je vais parler va affecter surtout la vraie presqu'île du Cotentin, c'est-à-dire celle qui est jusqu'au XVIIe siècle coupée du reste du monde par des inondations, par le fait qu'on ne peut pas transiter entre le nord et le sud de la Manche sans prendre le bac, parce qu'il n'y a pas de liaison routière continue. Et cette partie du Cotentin est la plus sauvage et la plus authentique, et évidemment, il faut s'attendre à ce que la poterie qui s'y fait, elle soit un peu plus remarquable. Et dans cet ensemble-là, quand je parle du Cotentin, on a l'habitude de parler du département de la Manche. On dit qu'il y a le bailliage d'Avranches et de Mortain, si vous voulez. Et la partie de la presqu'île, là, elle se dessine un peu mieux. On voit que ce sont des marais qui séparent la partie nord du Cotentin du sud. Et quand vous parlez de marais, que vous parlez d'argile, il faut s'attendre à trouver des choses intéressantes. Tout l'intérieur de cette presqu'île est enforesté. C'est-à-dire qu'en gros, le défrichement de la forêt a été tardif et on va démontrer que les potiers en sont en partie responsables. Pour l'intérêt de ce qui suit, il faut se rappeler qu'on a des îles anglo-normandes ici, qu'il y a un trafic et une contrebande importante qui existent entre les Anglais, les îles anglo-normandes et cette partie de la Basse-Normandie. Et a priori, dans ce trafic, il y a évidemment des choses qui se transportent dans des pots et qu'on appelle de l'alcool ou de l'eau de vie, enfin toutes ces choses qui peuvent soutenir le cœur de l'homme. Mais les gens dont je vais parler sont ceux de Sosmény et de Néou. Je dirais peu de choses des autres. Aujourd'hui, quand les touristes viennent, ils vont à Noron, parce que là, c'est de la poterie industrielle, c'est pas du tout intéressant. Il y a des très belles réalisations dans les poteries du Pré-d'Auge, là où on a aussi du cidre et de l'alcool. Mais on va parler surtout de cette partie sauvage, parce que c'est celle-là qui est intéressante. Ça tombe bien, c'est la mienne. Juste pour dire deux choses, vous avez aperçu les noms des villages. Le village de Vannefontaine, je ne vous en parlerai pas, parce que c'est une communauté potière, et que les gens qui pratiquent le métier là, le pratiquent selon des règles, c'est-à-dire que, comme dans toute corporation, on réalise ce que le maître a demandé en tant qu'apprenti, et puis on devient soi-même maître une fois qu'on a été initié et reconnu par la profession. Ces gens-là ne m'intéressent absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux de la partie nord, Sosmény et Néou, parce qu'on est dans une organisation professionnelle qui ne ressemble à rien. Ils n'existent que parce qu'ils ont des droits de prélever de la terre et du bois. On appelle ça des communautés usagères. Ils n'ont pratiquement pas d'existence légale. Donc pour nous, c'est la porte ouverte à quasiment tout. Quand on fait des choses qu'on n'est pas tout à fait dans la loi, mais qu'on le fait quand même, parce que de toute façon, c'est comme ça, vous avez un bout de la Normandie là, qui commence à pointer le nez. Donc oui, voilà, la diagonale, c'est assez étrange. De ce côté-ci, les gens qui font de la poterie en suivant la loi. De l'autre côté, ceux qui n'ont rien à faire de la loi. Donc ça devient intéressant. Là, je vous fais un gros plan sur le massif forestier. Tout à l'heure, sur la carte, on voyait bien qu'il y avait du bois un peu partout. Ça, c'est ce qu'on appelle la forêt de Brie. Donc, on est dans l'intérieur de la presqu'île. Et puis, il y a deux massifs intéressants qui sont la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte et la forêt de Briquebec. Et là, vous voyez des petites étoiles vertes. C'est partout où les potiers ont eu des ennuis avec le voisinage. Ici, vous apercevez Sosmény. Ici, vous apercevez Néou. Et vous ne pouvez pas manquer cet effet de symétrie. Entre les deux, il y a la ville de Valognes, qu'on appelle le petit Versailles normand, où un certain nombre de fortunes parisiennes sont venues construire de jolis hôtels particuliers au XVIIIe siècle, et entre autres ont participé au défrichement, enfin, se sont intéressés au défrichement de la forêt pour y faire de la physiocratie ou de l'agriculture expérimentale. Par ici, vous apercevez des bois, et le nombre d'étoiles vertes vous indique qu'il y a eu du pétard avec pratiquement tous les gens des environs. Ici, c'est Néou. Là, vous apercevez les fours de Néou. Ici, vous avez Sosmény. Et vous doutez qu'il doit y avoir une explication derrière ça. D'abord, je sais bien qu'on est en Bretagne, il faut quand même que je vous présente cette partie du Cotentin. J'ai insisté sur le fait que c'est une presqu'île, donc entourée quasiment complètement d'eau, une bonne partie de l'année, et que plus on va dans l'intérieur du pays, plus on va dans la forêt. Ça, c'est du paysage de Cotentin, où vous ne voyez pas où commence le paysage. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est de la forêt? Est-ce que c'est de la haie? Est-ce que c'est du chemin? Est-ce que c'est de la prairie? Eh bien, c'est un petit peu tout en même temps. Le bois est en abondance, la forêt est nulle part et le bois est partout. Et on va comprendre que pour les potiers, l'idée qu'il faudrait respecter une règle quand on peut prendre le bois là où il est, ça n'aurait pas particulièrement de sens. Si jamais vous voulez exercer en dehors de la légalité, je vous encourage à visiter le nord de la Manche parce que c'est le pays des chemins creux. Un historien de la guerre de Cent Ans disait qu'on pouvait faire la route de Valogne à Cherbourg sans voir le ciel. On trouvait que la phrase était un petit peu exagérée. Vous apercevez un chemin, vous apercevez la haie de chaque côté, et vous voyez que les arbres font une sorte de couronne au-dessus des passants. On a l'impression de se déplacer dans un tunnel. Et ça tient à quoi? Parce qu'on est dans une zone de défrichement où les chemins sont profondément encaissés. Le champ, il est là. Les vaches vous regardent d'en haut. Et vous, vous êtes en bas. Évidemment, si vous avez quelque chose qui n'est pas particulièrement légal, c'est franchement l'idéal. Vous êtes dans un labyrinthe où vous pouvez perdre tout le monde. Moi, en tant qu'étudiant, j'y suis allé. Je suis allé sur les terres où la terre était prélevée. Je suis allé sur les parcelles, etc. Et en effet, c'est à la nuit tombée, c'est un lieu inquiétant. On ne sait pas où on est. Il n'y a pas de... Le fléchage est pratiquement n'existe pas. Ou on connaît le chemin, ou on ne le connaît pas. Et c'est dommage. Là, on va faire un gros plan sur Sosmény pour vous montrer ce que c'est et comment s'est développée la poterie. Je pars de l'idée que les potiers ont participé à l'organisation du paysage. Donc ici, à Valognes, on prend la route qui va vers Tamerville-Sosmény. Voici le cœur historique de Sosmény. Ça, c'est le vieux village. Et puis, à mesure que vous vous éloignez du centre, que vous allez dans ce qui reste encore de forêt, là, vous allez sur le village des potiers. Alors, quelques noms que vous allez entendre tout à l'heure. Les Rabutiers, le hameau de Rufos. La chapelle de Rufos, là vous voyez le hameau Mouchel, vous allez dire tiens c'est marrant, il y a des hameaux qui portent le nom des gens qui font le métier, il n'y a pas que ça. Le hameau des Fosses, c'est aussi un hameau potier, je vois ici les choses de Rombisson, c'est tout près de l'enfer, voilà. Toute cette partie-là, c'est ce que les potiers ont infligé au paysage, et vous voyez qu'il y a eu des coupes particulièrement claires. Oui, et ça c'est la partie légale. Maintenant, si, la carte que vous avez vue, si on la traduit en langage de potier. Partout où vous voyez du bleu, les mouchelles sont là. Partout où vous voyez des triangles, vous avez des fours. Et suivant qu'ils sont foncés ou clairs, ils sont légaux ou illégaux. Et puis, si vous voyez du rouge, ce sont le poids de vin. C'est la seconde famille potière de Sosmény, avec pareil, hameau, four et activité plus ou moins légale. Puis une troisième famille qui s'appelle Valogne, on va expliquer tout à l'heure, qui sont plutôt au sud et assez peu représentées. Donc vous vous souvenez, on avait dit Sosmény, la partie historique, l'église, le hameau, etc. Puis plus on va vers le village de défrichement, plus on trouve du potier. Bon, ça se présente bien. On vous montre aussi l'habitat, parce que ça ne ressemble pas à la maison bretonne. Voici de la maison de maître, on est à la ferme de la Tourelle, vous voyez, c'est toit d'ardoise, une maison avec un fronton comme ça, voilà. Et puis là, vous voyez plutôt ce à quoi ressemble l'habitat potier du côté de Rambisson. On est dans ce qu'on appelle du massé, vous avez une base en pierre, et puis tout ça, c'est du torchis ou de l'argile. On sent qu'il y a une différence de richesse entre les deux. Ici, ce sont des gros fermiers, ça se voit encore aujourd'hui. On voit à l'habitat qu'on est, voilà, il y a une quinzaine de fermes qui tiennent le pays, mais ce n'est pas eux qui s'occupent de poterie, c'est les gens qui sont sur les petites maisons. Ça, c'est la maison des Hamons, c'est tout près des Rabutiers. Voilà à peu près de l'habitat potier. Vous sentez que ça a été fait, on sent que c'est la couleur locale. Et la géométrie n'est pas sûre, mais on s'en fout de la géométrie. Il y a un peu de tout, là. On sent que ça a été amélioré à mesure que des besoins et que le petit n'a pas besoin de géométrie pour faire ce qu'il a à faire. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sousmeny et Rufos, c'est-à-dire deux parties d'un village qui finissent par se séparer. Ben, Néou, à l'origine, il y avait Saint-Georges-de-Néou, et à mesure que le village des Potiers s'est lui aussi développé dans la forêt, il a fallu créer une deuxième paroisse. Donc on a aujourd'hui deux villages séparés, dont celui des Potiers est la sécession du premier. Et on va juste comprendre cette chose, c'est qu'à un moment donné, les Potiers font tellement leur loi qu'ils créent leur commune. Et quand j'en ai parlé à des collègues, ils m'ont dit « Mais c'est le petit village d'Astérix que t'es en train de me raconter ?» J'ai dit « Non, parce qu'il n'y a pas de Romains. » Et à la vérité, les Romains ne seraient pas passés par là. Ah oui, d'accord. Donc on a des villages qui font sécession et qui en plus contaminent les voisins parce qu'ils n'en ont rien à faire des frontières, des limites et des lois. Et en effet, vous allez voir après ce que ça va donner. Ici, vous avez le cœur historique du vieux Néou, voilà. Et puis le développement du village Potier, ben, il s'appelait Monro. Alors ça, c'est la prononciation en dialecte local. C'est le village de Montroc. Et à un moment donné, le village a fait sécession pour créer autour de sa chapelle le village de Saint-Jacques-de-Néou. Et on vous dira que chez les Bretons, ces choses existent. Une chapelle qui attire à elle des habitants, qui voue un pèlerinage ou un culte de ce que vous voulez. On y enterre ses morts, et puis à un moment donné, bah, ça fait sécession et ça crée son propre village. Là, on sait bien que la Bretagne est devenue française un petit peu plus tard que les autres, mais il est assez étonnant de regarder dans cette partie de la Manche des développements de villages sécessionnistes et qui finissent par être reconnus par les autorités parce qu'on ne peut pas faire autrement, puis surtout qu'on ne discute pas avec les potiers. Là, je vous montre ce que c'est que Saint-Jacques-de-Néou au moment de l'insurrection. Le village est quasiment incontrôlable. On appelle ça la redoute de Néou. Lorsque les forces de l'ordre doivent affronter les potiers en émeute, eh bien, ils tentent des pièges ici. Ils ont fait venir les forces de l'ordre là où ils avaient extrait de la terre. Vous voyez à peu près à quoi ressemble la surface de la Lune. Il y avait des trous partout. Ils ont fait venir les forces par là et les ont fait tomber dedans. Et après, ils ont discuté de ce qu'on allait faire des victimes. Ils pratiquent la guérilla, sauf qu'ils ne savent même pas que le mot existe. Par contre, ils savent que les forces de l'ordre arrivent par les ponts qui donnent accès au village. Et lorsque les forces de l'ordre rentrent dans le village, on démonte le pont derrière eux. Ce qui va les obliger à repasser à un moment donné, tout trempés et tout humiliés de ce qu'on leur aura fait subir. Précisons que l'outil du potier, c'est la pelle avec un bout tranchant. Et que ça vaut... Enfin, en cas d'explication physique, ça peut être particulièrement brutal. La pelle, évidemment, ça fait mal dans la figure. Mais si vous l'utilisez de son côté pointu et coupant... Il n'est pas certain que les forces de l'ordre en sortent entièrement indemnes. Vous voyez aussi surtout que le village est composé de toute une série de bois. Des fois, il ne reste plus que la lande parce qu'ils ne font pas dans le développement durable. Le potier n'est pas écologiste de nature et il s'en fout du renouvellement des espèces. Il sait qu'il y a toujours eu du bois tout autour et il sait qu'il y a quelque chose à faire, que les Anglais viendront acheter au besoin en contrebande. Vous voyez, si on pousse un peu plus loin ici, on va vers Barneville, Port-Baille, et ben on se retrouve au bord de mer et de l'autre côté, vous avez Jersey. Il est évident que c'est un rapport avec une activité complémentaire qui est celle du lait et accessoirement celle de l'alcool. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les archives du cadastre de la plupart des communes ont été numérisées. Donc maintenant, on a un accès. Ça a été fait par des calques à l'époque où ça n'était pas encore. Je vous présente un gros plan. On revient sur Sousmeny et on regarde comment est distribué le parcellaire. Et accessoirement, on va voir comment est aménagé l'espace potier. C'est vrai que tout le monde n'a pas fait de géographie depuis très longtemps, mais un géographe à qui on montre des parcelles qui sont formées de longues lignes comme ça, en Alsace, en Lorraine, on sait très bien que ce sont des défrichements. Ce sont des lotissements qui ont été concédés à des particuliers, et allez savoir pourquoi, dans ces lotissements, des fours ont été construits qui n'avaient pas forcément de raison légale. Et puis, une fois que vous vous habituez aux lettres, vous vous rendez compte que ces lotissements sont familiaux. Donc il y a des familles qui ont tenu un lot qui a été arraché à la forêt, et dans ce lot, on a construit un four, et autour du four, on a organisé la famille. Je repère ce lieu qui s'appelle les rabutchers, parce qu'en patois normand, rabutcher, ça veut dire, raboter la terre pour en tirer quelque chose. Et ça sous-entend que ça ne va pas être facile, mais qu'on va le faire quand même. Et ici, vous voyez un lot de maisons, vous voyez ce petit ensemble-là qui m'intéresse. Puisque vous allez voir les photos tout à l'heure, vous apercevez une longue barre. Ça, c'est trois ateliers de potiers. La petite pièce qui est juste à côté, c'est le séchoir à peau. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que le cadastre n'en tient aucun compte. Il y a un four à peau, pile ici. Il est à l'intersection des quatre pièces. Je vais nous servir d'explication par ailleurs. Un four à l'intersection de quatre pièces, c'est étrange, non? Bon, ben, on y va. Bien, ici, vous avez l'atelier des trois potiers, ces trois frères, c'est le Poitevin dit Poitrailles, ou Patrouille, ça dépend comment ils travaillent la terre. Et puis ici, vous avez, aujourd'hui, c'est devenu, hélas, le poulailler, c'est l'ancien séchoir. À l'angle là se trouvent le mur et les anneaux où ils accrochaient les bêtes quand ils ramenaient de la terre. Comme on a dit, dans un des lieux fort encaissés, le four est au-dessus de l'habitation, dans la pièce de terre qu'il surmonte, et on a trouvé un dépotoir derrière la maison. Ils ont commencé à extraire des pièces parce que la casse était manifestement très importante. La maîtrise du feu et des températures est une chose qui n'est pas vraiment assurée. Et dans la pratique, on s'est demandé s'il n'y avait pas plus de déchets que de pots fabriqués. Donc le séchoir, trois ateliers en vis-à-vis, et puis la question du four dont on doit parler. J'ai commencé à comprendre des choses en visitant un champ, donc c'est un lointain parent qui m'a montré ça, et il m'a montré un truc qui pour lui paraissait rigolo, un four qui était coupé à l'intersection de quatre champs. Pour lui, c'était la preuve qu'ils étaient bêtes. Et même en ayant fait qu'un tout petit peu d'archéologie, on comprenait que le four avait été construit avant que la pièce de terre soit divisée en quatre. Et que le découpage du champ initial respectait la stricte égalité entre les frères. C'est qu'il était hors de question qu'il y en ait un qui ait tout. Alors je vous rappelle qu'on est en Normandie, et que l'égalité entre les frères, ça c'est un truc extrêmement important. Les filles jouent un rôle secondaire, mais chez nous, hors de question qu'il y ait un droit d'aînesse. Et pour être sûr qu'il y ait une stricte égalité au moment des successions, c'est le fils aîné qui fait les portions, et ce sont les punais qui choisissent. Comme ça, on est toujours sûr qu'il n'y en a aucun qui profite de la situation. Donc la stricte égalité entre les frères et la question du four, ça m'intéressait. Je ne voyais pas où est-ce qu'on allait avec ça. Alors là, c'est juste pour montrer le travail du dernier des potiers de la Manche. Donc c'est le gars Amel à Néou. Il travaille effectivement avec la roue à peau. Enfin, c'est pas la roue à peau, là, il est déjà équipé. Vous avez l'atelier, c'est le bazar dans l'atelier, mais ça, c'est tout à fait normal. Et on a aussi trouvé une photo de lui où il fait de la vente dans une des communes des environs, aux environs de la guerre. Juste pour montrer qu'on fait surtout de la vaisselle et on va voir la production avec. La poterie de Sosmény, c'est la poterie relativement sombre. La photo ne lui rend pas tout à fait justice, elle n'est pas noire. Elle est lit de vin, bordeaux, marron foncé, on va dire ça, avec pas mal d'oxyde. Je suis désolé pour le pot de fleurs, c'est pas moi qui l'ai mis. Et mais simplement pour vous dire que Sosmény, c'est d'abord de la petite vaisselle. Le surnom de la commune, c'est Sosmény les Godia. Et Godia, c'est Godet, c'est la petite vaisselle pour boire du cid, ou pour mettre un peu de la fine, pour mettre un peu d'eau de vie. Manifestement, leur production, c'est d'abord pour soutenir les cabarets ruraux, la consommation locale. Et accessoirement, on fait des choses pour mettre du beurre. Donc là, les grès apparaissent, mais c'est pas forcément ce qu'ils faisaient en premier. Vous apercevez cette chose étrange et vous vous dites, tiens, c'est curieux, ils travaillent sur l'empilement. Là, vous allez apercevoir des épis de fêtage, des choses qu'on met pour la toiture, on va en voir tout à l'heure. J'aperçois des caudires aussi, ça va venir. Voilà aussi les œuvres, on va dire, à mon avis, c'est déjà moins l'esprit local. Ça, c'est fait pour faire plaisir aux touristes, ça s'appelle des fontaines. On accroche ça au mur, ça permet de conserver les liquides. Ça sert à garder au chaud la nourriture. Vous voyez, du petit godet à cidre, voilà, c'est ça. Et plus loin, on aperçoit ce qu'on appelle la marquise. On va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez aperçu un empilement, ce qu'on appelle des épis de fêtage. Ça sert à faire la décoration de la toiture. C'est surtout ça qui m'a plu, parce que ça, c'est typique de ce qu'ils font à la fin du XVIIIe. Ce sont des épis de fêtage. C'est un peu de la déco, comme on en fait à La Réunion. Vous voyez, c'est de la décoration pour que la toiture soit peut-être un peu plus étanche. Et sa disposition est comme ça. Vous voyez, c'est juste à la jonction de la charpente pour protéger de pas mal de choses. Et les potiers s'y livrent avec quelques fantaisies anthropomorphes, ou plutôt ici animales. On y trouve des fantaisies, mais pas forcément l'idée de faire des œuvres d'art. Alors, cas particulier de Sosmény, qui moi m'intrigue, c'est le fait qu'il se soit livré à la statuaire. Donc je suis d'accord que ce n'est pas du premier style. Manifestement, c'est ce qu'on appelle de l'iconotropisme. Ils ont imité des statues existant déjà dans les églises et ont essayé de les faire avec de la terre. Ça donne les résultats que vous voyez là. Mais par contre, ça les associe à la religion catholique de façon particulièrement étroite, ce qui est étonnant pour des gens qui n'aiment pas l'autorité et l'égalité. Bon, là c'est juste pour vous situer dans l'histoire de la poterie en général et des deux centres potiers en question. Si on remonte le plus loin possible sur des potiers ayant exercé, on a des informations sans difficulté sur le milieu du XVIe. Et puis ça se déglingue à mesure qu'on approche de la Révolution. Ça n'a pas de rapport avec la Révolution, c'est simplement qu'une bonne partie de la forêt a été purement et simplement privatisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le domaine royal n'étant plus rentable, on cherchera plus tard pourquoi il est un petit peu abîmé, la couronne a décidé de céder à des grands propriétaires qui ont défriché la forêt et, en un sens, provoqué d'une part l'explosion d'activité potière et sa ruine quasiment un petit peu à la veille de la Révolution. Quand j'ai parlé d'insurrection armée, c'est sur cette période-là. Alors c'est intéressant, c'est pour ceux qui connaissent Marion Dufaouët en Bretagne, c'est quasiment la même époque, ou ceux qui connaissent aussi Mandrin, l'époque où les forces de l'ordre ont des tout petits soucis avec le banditisme, ben là on a la même version, mais sous le registre Potier. C'est-à-dire que les forces de l'ordre n'auront pas le dernier mot. Un petit peu plus loin, enfin vous apercevez cette sorte d'anneau, c'est que l'ensemble des activités potières en France a été contingenté et réduit. Ben, 1667, on en parlera, c'est au début du règne de Louis XIV. On a estimé que les potiers étaient un danger pour l'activité forestière, donc on leur a serré la vis. Quand vous verrez tout à l'heure sur le graphique, vous vous demanderez où est la vis. Mais on en reparle. On a la preuve maintenant qu'à la sortie de la guerre de Cent Ans, il y avait une activité potière dans le nord de la Manche. Alors je vous fais grâce de ce très très vieux français, mais on y parle d'un Matelin le Poitevin qui demeure dans la paroisse d'Anneville-en-Serre, donc on est dans le Val-de-Serre, pas à Sosmény, et il fait quelque chose d'étonnant. Il cède, afin d'héritage, donc avec transmission, à un certain Jean le Poitevin de Tamerville et à ses héritiers, tous les héritages que le dit Matelin avait, il pouvait avoir dans le dans, ancien, de la poterie Séant en la comté d'Alençon, par raison et cause de l'héritage à lui venu et échu par la mort et trépas de feu Guillaume le Poitevin. Traduction en français. Un le Poitevin du Val-de-Serre vend à un le Poitevin de Tamerville le droit d'exercer le métier de potier qui lui était attribué dans la comté d'Alençon. Je sais que la géographie de la Normandie vous est un petit peu étrangère, mais Alençon c'est le sud de la basse Normandie. Le Val-de-Serre c'est à l'autre extrémité. Alors, il y a une curiosité féodale qu'on appelle la vicomté d'Alençon en Cotentin, pour des raisons qu'on s'en fout, à la vérité, mais qui aide beaucoup à créer des situations illégales parce qu'on ne peut pas vérifier. C'est un peu comme si, je ne sais pas, Quimper avait eu un démembrement de bailliage du côté de Rennes. Personne n'aurait été voir de toute façon, et ça tombe très très bien. C'est-à-dire que l'autorité judiciaire, elle est à l'autre bout de la région. Qui sait qui ira voir de quoi il s'agit ? Et ce qui est drôle, c'est comment quelqu'un peut-il vendre un droit d'exercer le métier à quelqu'un qui porte le même nom que lui ? Eh ben voilà, la question de l'homonymie, on commence à la trouver. Elle n'était pas, comme disait mon papa, pour garder des histoires de secrets, c'est qu'il s'agit de garder le métier entre gens qui portent le nom et qui ont le droit d'exercer. Et donc on a organisé une super magouille autour des homonymes. Ah ouais ! Et surtout qu'on ne va pas vous aider à trouver qui est lequel, on sait simplement que Tamerville c'est à côté de Sosmény et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le curé de Tamerville, qui est un type étonnant, il n'est pas bon en histoire, mais il avait recopié la pièce que vous venez d'entendre tout à l'heure, et il explique cette chose curieuse. À mesure que la filière textile s'est développée autour de Valognes, l'activité potière s'est éloignée de la ville. On sait que les villes n'aiment pas beaucoup les potiers, parce qu'ils sont dangereux, à cause du feu. Enfin, sans vouloir parler d'expérience avec des fours à papier, il est certain que le risque d'incendie n'est pas mince. Et par ailleurs, c'est un métier qui est réputé malodorant, non pas parce que le potier est l'hygiène douteuse, c'est tout simplement qu'il faut faire pourrir la terre. Et faire pourrir la terre, ben, par définition, les fosses à terre qui restent ouvertes avec de l'eau dessus, du feuillage et tout ce que vous voulez, de toute façon, ça va sentir mauvais, il faut s'y attendre, on ne peut pas faire autrement. Donc on préfère que la poterie s'éloigne, puis ajoutons que l'activité textile, ben, la valeur ajoutée au prix du mètre carré est plus élevée que celle de la poterie. La poterie se vend à des prix très très bas, il faut donc en faire de grandes quantités pour réussir à faire du chiffre. Je ne parle pas de poterie d'art, hein, je parle bien de godet ou de vaisselle. Et à mesure que le textile se développe, ce qu'on appelle en histoire géo le domestic system, autour de la ville, les potiers sont priés d'aller chercher un peu plus loin leur activité parce qu'ils sont gênants. Mais personne jusqu'à présent n'avait eu l'idée de coupler le développement de la filière textile avec le développement de la poterie. Et pourtant, il y a des liens. Pour travailler le tissu, pour travailler la toile, pour teindre la toile, il faut aussi des pièces en poterie. Ben parce que la teinture elle-même se fait dans de très grands vases en terre, parce que le bétail lui-même est utilisé est marqué avec des pièces en terre, et puis parce que dans la pratique, si on réfléchit, ces poteries elles servent à mettre des liquides dedans. Donc ça renvoie à quoi ? Ben ça renvoie à des moutons, ça renvoie à du verger, ça renvoie à des pommiers, ça renvoie à la fois à la laine des moutons, le cidre qu'on tire des pommes du verger, et accessoirement la poterie pour supporter tout ça. Un petit peu de beurre, si vous voulez, en passant. Alors, ça, c'était le document qu'on considérait jusqu'à présent comme preuve qu'il y avait eu de la poterie dans la Manche. Et on trouve déjà la question des noms. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu le nom de Le Poitevin, il est là. Le nom de Valognes, il est là. Le nom de Mouchel, il y est aussi, mais tout seul. Et simplement, il n'y a qu'un inconvénient, c'est que Sosmény n'y apparaît pas. Quel est donc le point commun de toutes ces communes où des potiers exercent à la sortie de la guerre de Cent Ans ? Ben, c'est marrant, mais c'est tout le territoire de la vicomté d'Alençon en Cotentin. Et c'est ce qui n'est pas dit dans le texte. On ne sait pas pourquoi, soit parce qu'on est à la sortie de la guerre et qu'on ne se rappelle plus de ce qu'on avait le droit de faire, soit parce qu'on n'a pas tenu à le préciser. Et il dit simplement que les potiers auront, à partir de ce temps-là, le droit de prendre de la terre et du bois selon des règles relativement libérales. Il leur suffit simplement de prendre le bois pourri qui est dans la forêt, celui qui n'aura pas été ramassé, et si possible le bois sec lorsqu'il est tombé des arbres. La difficulté consistera à l'aider à tomber de l'arbre. Il est dit aussi que pour faire cuire le pot, il avait le droit de prendre des dites forêts de Brie, Blanqueville, Barnava et autres forêts vertes, le bois vert en gisant et le bois sec en étant. Donc le bois qui est sec sur l'arbre, on peut le prendre, et le bois vert qui est tombé de l'arbre à cause du vent, on pourra le ramasser aussi. Et il est dit aussi que pour l'extraction de la terre, ils devront faire attention et qu'ils paieront des droits sur la chose. On a fini par retrouver la preuve qu'ils payaient effectivement un droit minime pour l'administration fiscale. Document, bah, chez les Normands, ce document a beaucoup d'importance. Un officier des eaux et forêts du nord de la Manche, qui s'appelle Gilles de Gouberville, tenait un livre de comptes au milieu du XVIe siècle, qui n'est ni un journal, ni un livre de comptes, il est un peu des deux, et il se trouve qu'il est officier des eaux et forêts. Donc le gars m'intéresse particulièrement. Où habite-t-il à côté de Sosmény? Donc il m'intéresse deux fois. Et sur ce bout de texte, il y a plusieurs choses intéressantes. Le lundi 18e de janvier 1562, la relevée, c'est-à-dire l'après-midi, je fais à Sosmény, qui est nos voisins qui faisaient séant des seaux pour le puits, ça va, et Guillaume Mouchel avec moi, pour un interdit que Denis Gosselin avait fait au dit Mouchel de ne faire un four à peau sur la terre que j'ai baillé à Tiennou voisin. Elle dit voisin au dit Mouchel que j'allais voir s'il y a cause de faire le dit interdit. Le mardi 19e, Tiennou voisin qui travaillait séant s'en alla canter lui pour aller de Valogne rendre plainte contre Gosselin et ils ont travaillé séant. Je vous conseille que la première fois que j'ai lu ça, j'ai pas vu l'intérêt. Puis après, j'ai compris que quelqu'un avait vendu de la terre. Voilà, Gilles de Gouberville a vendu de la terre à un gars, qui l'a revendu à un autre, qui l'a revendu à un autre, qui a construit un four dessus. Et l'officier des eaux et forêts, qui est en même temps celui qui a vendu la terre, va voir si on a le droit de construire des fours à peau comme ça, sans demander la permission. Mais au lieu de dire « je suis allé faire procès verbal et faire payer une amende, on n'a pas le droit de construire des fours comme ça en pleine forêt », il dit simplement pour voir si on a vraiment le droit d'interdire ou pas. Et on est en Normandie, si on peut s'arranger entre gens, pourquoi faire des procès? Mais enfin, c'est pas compliqué, un officier des eaux et forêts, c'est un gars qui protège les forêts. Et il est en même temps seigneur du Méni-Oval, c'est-à-dire mitoyen de Sosmény. Il doit y avoir moyen de s'arranger quand même. Alors pour ceux qui seraient perdus, je vous fais une comparaison. C'est un peu comme si on était en Méditerranée, qu'il y avait une île de beauté qui devait être protégée par la loi parce que son littoral est magnifique, et qu'un élu local, je sais pas, ou officier de gendarmerie, avait laissé construire, je sais pas, une paillote, par exemple au hasard, une paillote. Et ben, y aurait beaucoup de monde, ça ferait une grosse pollution sur la plage, enfin on peut imaginer qu'il y aurait pas mal de canettes, et à un moment donné, quelqu'un dirait « je suis allé voir la paillette pour voir s'il y avait réellement une raison de l'interdire, parce que... Ça crée de l'activité quand même, c'est bien, ouais. » Seigneur, mais et la loi, c'est la loi. On est au XVIe siècle, la loi, c'est la loi. On est aussi en 2015, la loi, c'est la loi, mais ça dépend pourquoi. Si vous pensez au problème des téléchargements illégaux, si vous pensez sur tout ce qui est innovation législative, on est le premier producteur mondial de lois. Il faut quand même penser qu'on produit 9000 lois et 27000 décrets qu'on n'a pas tous lus. Donc dans cette somme de lois qui sont produites, celle des eaux et forêts a une importance au XVIe siècle. Manifestement, ceux qui sont censés appliquer la loi l'ont pas lu. J'aime bien... Alors ça fait partie aussi des choses que Maxence ne connaît pas. On a trouvé des choses intéressantes dans les papiers concernant Néo. Il s'agit de l'hospice de Saint-Lô. Alors on ne sait pas très bien ce qu'ils ont de particulier. L'hospice, on sait à quoi ça sert. Normalement, ça sert pour les gens qui vont pas bien. Et ben, voyez-vous, l'hospice de Saint-Lô a encouragé des potiers de Néo à s'installer dans les limites des forêts de Néo. Et il leur demande, pour payer la rente, un truc intéressant. De les payer non pas en argent, mais en terrine de continence chacune de 4 pots, une chaîne continence de 6 pots et un pot à beurre de continence de 50 livres, le tout de Talvande. Talvande est sans doute une norme technique du sud de la Manche. Donc là, ça devient encore plus rigolo. Ils ont vendu ou concédé des portions de forêt dont ils étaient propriétaires, ont demandé à des potiers de leur payer des rentes en poterie. Là, carrément, on pousse au vice. Parce qu'on était jusqu'à présent avec Gilles de Gouberville, c'est pas tout à fait au courant, c'est quoi la loi. Là, c'est carrément, vous nous fournirez, en guise de loyer, vous nous paierez des poteries. Et là, on ne peut pas mieux encourager quelqu'un à construire un four et à extraire de la terre, alors qu'en principe, il n'a pas le droit. Voilà. Vous repérez le nom, parce que pour l'instant, c'est la première fois que vous voyez, la concession pour le compte de... à Colin Travers, père de Nicolas Travers et aïeul de Louis Travers et de Jean Travers, moyennant une rente à poterie. Ouh là là ! Et la concession est faite à une famille. Oui, bah vous avez tous les descendants, et là, vous avez une autre explication concernant Néo. Écoutez Radio Zinzine, c'est toujours la émission Racine 2-1. Cette fois-ci, c'est sur les histoires des communautés potières du Nord Cotentin avec Patrice Mouchel-Vallon, qui est professeur d'histoire-géographie dans un lycée et qui voilà retrace un peu les aventures rocambolesques de ses ancêtres potiers. Et voilà, après ce petit intermède musical, on va reprendre cette conférence pour une petite demi-heure. Et cette deuxième partie, Patrice Mouchel-Vallon l'a intitulée « De la délinquance tranquille à l'insurrection ». Il faut qu'on vous parle un petit peu de la loi, parce que je sous-entends qu'il y a des trucs importants que c'est pas bien expliqué. Tous ceux qui étudient le droit vous diront que le moment historique dans l'histoire des forêts de France, c'est Louis XIV, c'est Colbert. Vous voyez la tête du monsieur, déjà on sent que ça va être sérieux. Et l'œuvre législative de Colbert est considérable, pas bien sur l'esclavage, mais sur les forêts, c'est intéressant. Il a essayé d'imposer une loi unique pour l'ensemble des forêts de France. Le motif est évident, Louis XIV veut que l'armée française soit à la hauteur des événements aussi sur mer. On a besoin de bateaux. Et pour avoir des bateaux, il nous faut des forêts de qualité, donc du bois d'œuvre. Et si on veut des forêts avec des arbres de bonne taille, faudrait que ceux qui s'amusent à couper comme ça du bois sans demander la permission, ils aillent voir ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand la forêt est importante, on y installe un aménagement, c'est ce qu'on appelle l'aménagement forestier, des coupes réglées selon les décennies pour avoir un chêne centenaire, franchement, ça en impose. Par contre, un petit hêtre qu'on coupe à 3 ans de pouce, ça ne va pas vous donner même pas de quoi chauffer, quoi, c'est ridicule. Donc on va essayer d'affirmer l'autorité de l'État sur le domaine forestier qui jusqu'à présent était en relatif libre accès. C'est ça qui est beau dans cette période entre le 16e et le 17e, c'est qu'on part d'une idée que la forêt est à tout le monde, comme la cage d'escalier dans l'HLM, qu'on y fait ce qu'on veut du moment qu'on y trouve son compte, et puis là, d'un seul coup, l'État dit « Non, non, c'est à nous. On va faire de la marine maintenant, on va faire des bateaux de guerre, etc. Et, ben écoutez, circuler, il n'a plus rien à voir. » Vous connaissez nos potiers, c'est des gens sensibles. Faut pas laisser... Non, il ne faut pas leur parler comme ça. Alors, le beau texte, voilà. S'il y a des usages, dorénavant, de prendre de la terre ou du bois, ils ne peuvent être que de deux sortes. Le premier, c'est celui de se servir en bois, et le second, de trouver de la nourriture pour les bestiaux. Ce qui a fait dire à plusieurs auteurs que l'usage est un droit réel qui doit demeurer à la chose à laquelle il est joint. Traduction, l'usage du bois est de trois manières, pour bâtir, pour brûler ou pour étayer. Pas d'autre utilisation possible. Sauf qu'il dit pas brûler quoi. Trois points litigieux. Le texte ne dit pas dans quelle mesure on peut extraire de la terre. Il ne dit pas non plus où commence et finit la forêt. C'est pourtant simple, une forêt. On sait quand ça commence ou ça finit. Attendez. Il y a toujours une zone intermédiaire qu'on appelle la lisière. Et là, c'est un peu comme le bord de plage. Où commence-t-il? Où finit-il? On peut discuter. Il y a des choses qui méritent explication. Et enfin, la confiscation des bêtes de tous ceux qui se promènent en forêt avec du matériel interdit. Là, vous avez tous les motifs de l'émeute. Faut quand même pas prendre notre bétail. Un petit, s'il n'a pas les moyens de transporter sa vaisselle, sa terre et son bois, il va forcément faire une colère. Alors, interdiction, petit détail technique que Gilles de Gouverville ne connaissait pas, au siècle précédent, les officiers n'ont pas le droit de donner des permissions. C'est un peu comme si un gendarme d'une île de beauté donnait la permission de construire une paillote alors qu'il sait que ça se fait pas. Et la seconde, c'est que le juriste est au courant, c'est ça qui est beau dans le texte des ordonnances de 1669, que pour Néo, on a fait une exception. Pour la définition des lisières, il a fallu en discuter parce que les gens du coin avaient un point de vue. Enfin, c'est assez étonnant que la législation française sache que Néo existe. C'est parce que, à trop paumé, il y a un truc là-bas, il faut faire gaffe, c'est pas pareil que dans tout le reste de la France. Là, je suis d'accord, ça fait village d'Astérix. Article 31, titre 27, la nécessaire séparation entre les fonctions d'officier désaufféré et tout profit forestier. Donc, en sous-entendu, on ne peut pas être officier et en même temps forgeron. Enfin, on ne peut pas être responsable des eaux et forêts et en même temps consommer du bois pour la forge. Encore mieux, on n'a pas le droit de produire des tuiles. Enfin, depuis quand c'est comme si un gendarme produisait du calva. Enfin, ça se peut pas. La gratuité du droit d'usage, alors voilà. Ce qui avait beau dans le monde d'avant, c'est que tu avais gratuité pour te fournir sur ce qui est indispensable à la vie. Après tout, est-ce qu'on paye pour l'air qu'on respire? Bon, les anarchistes nous diront qu'on va pas payer, on devrait pas payer non plus pour l'eau qu'on boit, vu l'usage qu'on en fait. La vraie propriété, c'est celle qui sert à quelque chose. L'air, c'est l'air, voilà. Eh bien, dans la conception ancienne du droit usager, la terre pour reconstruire ta maison, elle t'est gratuite. C'est ton usage, tu peux aller te servir. Le bois qui te sert à te chauffer, il est indispensable à ta vie. Donc tu as le droit d'aller le prendre. C'est tout ça que la législation des eaux et forêts a mis par terre. L'État a un droit supérieur sur toute la gestion des eaux et forêts et les particuliers sont priés de circuler. La gratuité, mesdames, messieurs, c'est fini. Ah bon? Et maintenant, c'est le domaine public et on rigole pas. Ah bon? Donc, hors de question d'installer une taverne en forêt, encore moins une boulangerie, encore moins une poterie. L'usage est gratuit, donc celui qui fait du commerce avec ce qu'il prend dans le bois est évidemment punissable. Ah bah, dans ce cas-là, ce seraient des potiers qui feraient dépôt, mais uniquement pour leur consommation personnelle. Ah oui, mais là, c'est moins bien. Enfin, c'est vraiment le gars qui travaille pour l'art pour l'art. C'est mon pot à moi. C'est à ça qu'on reconnaît le législateur, c'est sa capacité à penser les choses, sauf pour les autres. Article 5, titre 32. Les délits nocturnes commis par les artisans, marchands ou officiers sont sanctionnés au double de la peine. Voyez-vous, c'est que les voleurs de bois savent parfaitement s'y prendre. Ils ont tendance à attendre que les gardes soient pas là pour aller chercher le bois. Et c'est vrai que la nuit, c'est quand même nettement mieux. Je vous rappelle que le paysage lui-même est suffisamment obscur pour que la nuit soit là aussi en plein jour. Quand vous avez des chemins creux, de toute façon personne ne sait qui fait quoi, et quand vous êtes dans un labyrinthe, je préfère pas être garde en fait. Voilà. Article 9, titre 32, la confiscation du... Alors le harnois, c'est tout le matériel qui sert à transporter. Donc vous avez à la fois les bêtes, vous avez la charrette et le harnais, etc. En principe, elle n'est pas comprise dans le montant de l'amende de la restitution. Donc si vous faites prendre à charrier du bois en forêt, on vous fait payer une amende et en plus, on vous pique tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le sujet, c'est comment les potiers sont passés en travers des gouttes de la loi et comment ils ont organisé l'illégalité. Là, on arrive dans des choses qui sont quand même fort de café pour des gens qui n'ont pas de connaissances en droit. Enfin, ils n'ont pas fait d'études. Mais alors, le côté normand, vous avez imaginé le truc. D'abord, je vous présente le nombre de potiers à Sosmeny et Néou. Pour Sosmeny, normalement, il ne devait pas y avoir plus que 6 potiers et pas plus de 6 non plus pour Néou. La barre, donc, est à cette hauteur-là. Vous saisissez qu'à un moment donné, il s'est passé un truc intéressant. Là, le code forestier, il se trouve appliqué. Strictement, l'activité est réduite. On ne sait pas pourquoi. 10 ans après, hop, ça repart. Il y a des hauts, des bas, parce qu'il y a des guerres, ça c'est normal. Et puis, alors regardez, on arrive à des chiffres. Au total, on arrive à presque 60 à 70 potiers au plus fort de la guerre contre les Anglais. Manifestement, quand les Anglais et les Français ouvrent largement la frontière, l'activité potière s'effondre. Dès qu'on a des soucis avec les Anglais, on ne sait pas pourquoi, la poterie se développe. Alors si vous me dites, il y a de plus en plus de potiers parce que la population augmente, je vous donne un ordre de grandeur. Ici, il y avait à peu près 20 millions de Français. Là, il y en avait à peu près 27 millions. le nombre de potiers a augmenté de façon bien plus grande que l'augmentation de la population. Donc l'origine n'est pas démographique, elle est essentiellement commerciale. Manifestement, c'est l'activité économique qui prime, et il doit se passer quelque chose là pour que les potiers trouvent leur compte. Bon, alors on va essayer d'expliquer comment ils ont organisé l'illégalité. En fait, ils étaient déjà prêts à être en dehors des lois avant même qu'on fasse passer la loi. C'est un texte que j'ai trouvé quand j'étais lycéen. Je suis resté quoi ? Il s'agit d'un partage entre quatre potiers, qui s'appellent tous Mouchel évidemment, puisque ce sont des frères. Alors il s'agit de Colas Mouchel, fils Raoul, qui partage avec Michel, Jean, Robert, frère et enfant de défunt Nicolas. Et apparemment on nous parle aussi d'un certain Samson et d'un certain Mathieu. Donc, c'est une belle famille nombreuse, ils s'appellent tous Mouchel. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils se partagent des biens, bon en effet. Et ce qui est en jaune, c'est qu'ils disent qu'ils vont partager une maison ou corps de logis servant à usage de poterie, compris le four à peau, et des rangs de poiriers dans l'allée des Combes Benet, du côté des 10 bougons de terre, comme tout ce qui contient, etc. Donc ils se partagent une succession, ça va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Tiens, il y a des lepois de vin dans les environs. Ça, c'est marrant, c'est le hasard. Et quel est le sens de la chose ? Que des frères vont se partager un four. Donc dans la pratique, il n'y a qu'un seul four autorisé pour la famille, mais en fait, une demi-douzaine de frères vont pratiquer ce qu'on appelle la rotation de jouissance. C'est-à-dire, par exemple, qu'un petit, le frère aîné va avoir le four pendant une semaine, le second aura le four la deuxième semaine, le troisième aura le four la troisième semaine, le quatrième. Donc officiellement, il n'y aura toujours qu'un four et un potier. Et dans la pratique, ils ont inventé l'assolement mensuel. C'est-à-dire qu'on tourne autour du four. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors ça veut dire que la propriété n'existe pas. Ben non, c'est ce qu'on appellerait un individu. Et s'ils ont des enfants, ah là vous entrez dans la poésie. S'ils ont des enfants, ils font aussi le métier. Ah, alors là, ça va être plus des frères, c'est des cousins. Oui, on va avoir des fours cousins. Les fours peuvent être cousins entre eux. Ben bien sûr, s'il suffit de montrer que le grand-père était unique. Ah ouais. Et on va avoir aussi des disputes de famille, sinon c'est pas drôle. Parce que des fois, les frères aînés sont insupportables. Alors on est obligé, on peut pas faire autrement, de créer un four supplémentaire. Mais où est-ce qu'on va le construire ? Bah là où ça se verra pas. Ah oui, d'accord. Là, je vous présente la mafia. À l'origine, il n'y avait qu'un seul droit. Hein, on est d'accord, il n'y avait qu'un seul droit. Puis là, vous avez autant de branches qu'il y a de fours. Là, c'est carrément non plus des fours cousins, mais des voilà, potiers avec fours. Oh bah lui aussi, il en a un, ça tombe bien. Oh bah lui, il est potier d'ancienne minée, il a aussi un four. Et finalement, pendant un temps, on se maintient autour de la fiction de un four partagé entre frères, qui permettent d'avoir une bourse commune, parce que ça, on sait que ça existe. Et dans la pratique, il y a des sécessions à l'intérieur de la famille. On va construire un four quand on s'entend plus avec le reste de la famille. Oui, puis on peut bien faire sécession, après tout, pourquoi on ne ferait pas ? Alors vous apercevrez déjà le problème des Avernon, parce qu'on appelle en patois normand Avernon le surnom dynastique. Puisque tout le monde s'appelle pareil, on va avoir donc un surnom, un deuxième nom qui vient se coller. Là, c'est Estienne Travers dit Morneau. Donc dans la pratique, dans le village, on l'appelle Étienne Morneau. On oublie le nom de famille parce que ça sert à rien. Puisque, on va dire, presque, non pas un tiers, mais allez, 15 à 20% de la population s'appelle Travers, ceux-là s'appellent Travers le Vreto. Eux, c'est Travers Picot. Là, c'est un lignage bâtard. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Ah, puis vous en remarquez aussi, certains se marient entre eux. Là, voilà un Estienne Travers qui épouse une Anne Travers dit Piquet. Les Travers Piquet, c'est des briquetiers. C'est plutôt pour eux une bonne initiative de se marier avec un lignage qui est légal. C'est les autres là qui sont dans l'illégalité, faut rien leur demander. Vous voyez qu'il y a autant de surnoms qu'il y a de clans. Lui, physiquement, il doit avoir un défaut parce qu'il s'appelle Jean Travers dit le petit potier. Lui, il s'appelle Travers dit Robineau. Enfin, voilà. Là où mon père ne pouvait pas me donner l'explication de pourquoi on a des noms et qu'on était tous au même endroit, c'est qu'il s'agit de découdre progressivement un droit héréditaire entre frères d'abord, entre cousins issus de germains, et à la fin, vous avez une famille à l'africaine. Parce que c'est ça, c'est la famille au sens très très large, tous agglutinés autour du même endroit. Font-ils tous des pots ? Ah non ! Ils font aussi garde forestier, c'est quand même très drôle. Ils font aussi dans la toile, ils font aussi... qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre aussi ? Des fricheurs, ils peuvent aussi faire aussi charbonnier. Toutes les activités qui sont complémentaires et qui, à la limite, pourraient aider l'activité potière. Donc la poterie n'est pas l'activité principale, mais c'est une sorte de famille-entreprise, où tout le monde a un petit service à rendre à la tribu. Et ben voilà, 1575, plaie de la baronnie d'Orglandes, pour montrer qu'avant même la législation de Louis XIV, donc un siècle avant, de toute façon, ils n'allaient pas y arriver. On nous dit qu'ils ont été pris, toute une série de travers qui ont été arrêtés pour avoir cuit des pots aux lisières des forêts, et contre sur ceux, alors on nous dit, ont été condamnés à l'amende après l'attentat par eux commis d'avoir cuit des pots aux lisières de la forêt, alors que c'était interdit. et aussi présenté Jean Travers Fiscola, lequel est condamné, comme tu dis, et lui défendu de cuire à demi-lieue près des forêts sur peine de privation de droits et autres défaillants. Bon, donc en fait, on savait déjà ce qui allait se passer. Et on nous dit que les autres de la même bande sont des cuiseurs de charbon. Tu vas me dire, je vois pas le rapport avec la poterie. Ben, on vous dira que avant l'extraction minière du charbon, la principale chauffe, c'est du bois qu'on a fait cuire en briquettes de bois et qu'il s'agit tout simplement du combustible qui va alimenter les cousins. Oui, c'est une logique presque, pour moi, d'immigré. C'est, y a quelqu'un qui est dans la partie, il y a un cousin qui va en profiter pour lui apporter quelque chose parce que ça peut être utile et parce qu'il faut être solidaire puisque de toute façon on est hors la loi. C'est une logique qui est un peu mafieuse sur les bords, je vous concède. Voici l'application du code forestier 1667, donc on vient d'avancer un siècle. Le commissaire du roi a été envoyé dans les forêts normandes et il a constaté qu'il y avait des fours à Sosmény et qu'il fallait faire quelque chose. Alors il a décidé de restreindre l'activité et on voit qu'il a décidé qu'il y aura alors deux... Alors on voit François Valogne, Robert Mouchel, Pierre Mouchel, Louis Mouchel, Renoré Mouchel, Étienne Poitvin. Et il sera décidé qu'en fait il n'y aura plus que... Alors on va compter 4 fours et 6 potiers à exercer l'activité sur le village. Et quant à l'approvisionnement en bois, ils ne pourront prendre que le bois pourri. C'est-à-dire en gros celui que même les gens ne ramasseraient pas, pour leurs ouvrages de poterie, et le texte dit bien qu'il s'agit d'éviter qu'ils abusent de leurs droits et qu'ils dévastent la forêt, comme si c'était leur genre. Et il est dit aussi que le nombre des 10 potiers se multipliant, il pourrait y avoir risque de mésuser des droits, nous avons réglé et modéré le nombre des potiers à 4 chefs de famille et 4 feux seulement, l'un pour la famille Valogne, un pour les Le Poitvin et deux pour les Mouchel, lesquels fours seront établis au hameau de Sigva, de la Madeleine, des Monts et des Mouchaux, et ordonnons que tous les autres fours à poterie seront démolis dans la quinzaine. Tous les fours qui seront illégaux, normalement, devraient être détruits après ce jugement. Texte suivant. Oh, bah, je vais pas me croire On est devant le notaire et il y a deux potiers qui se rencontrent. Il y en a un qui a le droit d'avoir un four, il est légal. Il y en a un autre qui n'a pas le droit, il a un four qui n'est pas légal. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On est en Normandie. Il y a toujours moyen de s'arranger. Les illégaux vont louer leur four au légal. Et là où on reconnaît l'arrangement, c'est que le prix de la location est quasiment dérisoire. Donc il ne s'agit surtout pas de se faire de la peine entre familles. Donc on va faire un simulacre de location de four illégal à un potier légal. Donc dans la pratique, il est légal ou il n'est pas légal? Je sais pas. On est hors champ, tu sais, c'est... on est où? On ne sait pas. Qu'une importance. Et on est à la frontière de Tamerville et Sosmény, ça aussi c'est important, donc ils savent ce qu'ils font. Alors on nous parle du reste, du hameau des Valognes, du Causeux, Jouxtébu, etc. Intéressant, ils n'ont pas attendu un an. Ils n'ont même pas attendu le jugement pour faire des arrangements entre eux et échapper à la loi. Plaise bien. Vous en remarquez qu'ils ne savent pas lire ni écrire, pas grave. Pour des gens qui ne savent pas lire, ils sont forts. Bon, ben, on avance maintenant, on est passé du règne de Louis XIV à celui de Louis XV, ou à peu près. Et voilà un garde forestier qui s'aventure à Néou. À peine 25 ans après les sanctions prises par Louis XIV, Charles Mailleux, garde forêt de Breckbeck, pour la portion d'Orlande appartenant à Monseigneur le Maréchal de Matignon, résident au bourg de Breckbeck, se signait. On est bien dans la gendarmerie, là, mais c'est un garde forestier. Certifie que ce vendredi 21 août 1722, pour le dû de ma commission, exprès de transporter dans le treillage des petites pièces virant midi, j'ai entendu le bruit de deux haches qui coupaient, ayant aperçu le nommé Étienne Travers des Martiaux de la paroisse de Néou, qui coupait un fétiau de 2 pieds de tour, m'ayant aperçu s'étendre enfui, ne pouvant se parler que de loin, et l'ayant rejoint à la sortie de la dite forêt, avec ramenant 2 chevaux battés avec leurs crocs pour charrier le dit bois, avec sa belle-sœur, femme de Georges Travers, et m'étant à l'instant transporté au hameau Rapotier et de Faux-Rapeau, environ une somme de chevaux de bois être, remarquez un pied de fétau et de 3 pieds de tour, tout récemment coupé, à ceux du bois étant à leur fourneau. Demandez raison à la mère d'Edith Travers Merciaux. M'a répondu qu'il faut qu'il y en ait leur peur avec les autres, et que Étienne Travers, fils Raoul, qui avait mené son fils, et m'étant transporté au fourneau du dit Travers, fils Raoul, j'ai trouvé environ une somme de cheval de bois, de fétau, tout récemment coupé, donc c'est du bois vert, hein, et ayant aperçu la femme du dit Travers, qui s'en retournait avec son cheval batté, avec des écrous à bois, et m'ayant aperçu, allez, c'est son cheval, et nous autant quoi, j'ai fait information à la femme du dit Étienne Travers, fils Raoul, et Étienne Travers d'Immersion, et à sa belle-sœur qui venait pour enlever le dit bois, à la mère du dit Travers Martiaux, voilà Sarah, qui apparut être le même dont je faisais la recherche, qui se consiste en 4 pieds de fétau, y compris celui qui est à savoir de 2 pieds et demi de tour, et l'autre de 2 pieds environ, assigné à comparaître. Donc sous-entendu, il a trouvé des voleurs, il est allé chez eux, a constaté qu'il y en avait d'autres qui ont volé aussi, et il leur dit « Eh, vous avez pas le droit, j'en fais mon procès verbal !» Écrit dans un français qui est quand même assez patouette, enfin, il y a des trucs assez rigolos, et ben voilà, il a fait un procès verbal. C'est à ça qu'on reconnaît le travail de la police, il est quand même bien fait, on n'y comprend rien, voilà. Et pas sûr que lui-même sache exactement, il a repéré des noms, il y a Étienne Travers, dira, et puis il y avait la mère, et puis il y avait la belle-sœur, et puis il y avait le cousin, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ça, le potier, c'est qu'il y a la tribu, la vaste tribu, les cousins, etc. Et le garde ne traîne pas dans le coin. Parce qu'il va lui arriver malheur. Son choix, faut pas nous chercher. On est sensible du côté de la famille. Il y a des choses où, si on embête, c'est pas qu'on s'entend entre frères et sœurs, mais s'il y en a un qui nous cherche, il va nous trouver. Et c'est effectivement comme ça que ça va se passer. On est au début des émeutes et des incidents avec les forces de l'ordre. Mais faut voir aussi, la police vient chez nous. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Nous, on ne demande pas à faire de misère. C'est ça, la notion de délinquance tranquille. C'est qu'on est hors la loi, mais on n'embête personne. Voilà. Là, ça, c'est rigolo, c'est qu'ils sont hors la loi. Ça n'empêche pas la ville de Cherbourg de passer marcher avec les potiers délinquants. Non. Et pour faire quoi? Pour installer des fontaines dans la ville. On est dans les débuts de l'aménagement urbain, donc l'apport d'eau potable sur des fontaines publiques, c'est quand même un progrès énorme. Eh bien écoutez, la ville de Cherbourg, quand elle a besoin d'adduction d'eau avec de la tuyauterie, donc terre cuite et plomb, elle s'adresse aux voleurs. Ah mais on peut plus faire confiance à personne. Bon, précisons que c'est pas de l'écriture de potier, hein. Le potier a signé. Alors tout potier qui se respecte reconnaîtra tout de suite un truc là. Ça c'est de la roue à peau. Bah oui. En effet, ils font de la roue à peau, et ce qu'ils ont sous les yeux, la longueur de journée, ils peuvent bien le dessiner, ils font des marques. Et celui qui a écrit, d'ailleurs, n'a pas un niveau de français particulièrement élevé, vous remarquez que... oulala, nous, soul, signé, Omar, Nicolas et Gabriel, travail, père et fils de la paroisse de Néou, chargé de fournir des tuyaux, n'était pour faire revenir la fontaine à Cherbourg, c'est même pas écrire Cherbourg. Et il y a deux ou trois personnes qui signent. Là aussi, les notaires n'ont rien à dire. Un notaire, ça pose jamais de questions embarrassantes en disant « Mais qui c'est quoi? La ville passe marché avec des trafiquants ?» Bah oui, pourquoi? C'est pas la police? Ah bon, bah d'accord. Alors là, ça devient rigolo aussi. Qu'est-ce qui se passe quand ils se marient entre cousins germains? Vous savez que ça ne se fait pas. En fait, il y a des tolérances. On a le droit d'épouser, ses cousins issus de germains. Donc, vous voyez ce que c'est que le rapport entre un frère et une sœur. Donc là, on est les parents, les grands-parents. Si vous avez un arrière-grand-parent en commun, la justice diocésaine, celle de l'évêque, vous l'accorde. Et le problème, c'est que, comme on a compris qu'on est dans une organisation tribale, qu'on a intérêt à garder des gens de la famille pour garder le métier, on finit toujours par épouser son cousin ou sa cousine. Il y a des textes qui sont remarquables, c'est que le beau-frère qui est interrogé sur la raison que sa parente épouse son cousin dit que de toute façon qu'il est, il est sourd comme un pot et personne n'aurait voulu d'autre. Alors il est bien content que la cousine l'épouse parce que sinon on n'aurait pas su quoi en faire. Chez nous, Normand, c'est pas qu'on n'ait pas de sentiments. Mais, si vous voulez, on dit les choses telles qu'elles sont. Il épouse sa cousine, oui, mais de toute façon il était sourd. Alors, on vous dira aussi que la surdimutité, la petite taille, les problèmes sanguins, c'est effectivement lié à la consanguinité. Là, manifestement, il persiste et signe. On s'acharne, là, voilà. 1734, le propriétaire d'un des bois, je sais pas pourquoi, mais Néou, ils adorent faire des blagues aux militaires. Il y a un militaire qui croyait avoir fait une bonne affaire en rachetant la forêt de Néou. Oh, le pauvre garçon, vous savez pas le malheur qu'on lui a fait. Il a acheté une portion de la forêt, et en fait, il s'est retrouvé avec une pelote d'épingle. Ils lui ont bousillé sa baraque, tiré un coup de fusil sur sa propriété, tué son garde à coup de bûche, mais délicatement, c'est-à-dire que le gars n'est pas mort tout de suite, il a erré dans le bois avec le crâne fendu. Ils ont tout fait. Le potier s'exprime de différentes manières, par son art, et puis alors par... Non seulement ils pratiquent le trafic en bande, non seulement ils ont vandalisé sa baraque, ils font du trafic avec les marchands de sel, c'est normal, poterie et sel, c'est des choses qui vont ensemble, et sans qu'on ait pu s'y opposer, ils ont même fait embarquer avec d'autres bois des chaînes débitées en châssis, ils font dans la planche aussi, ça peut toujours servir, et ils ont été embarqués, voilà, donc ça va vers Jersey et Guernesey. Une partie du trafic du vol de bois se fait entre les mains des potiers, y compris en dehors de leur activité potière. Ils sont devenus, trafiquants de bois, pillés, volés, menacés, à main armée, tirés des coups de feu, rompus, forcés son parc, ils ont piqué son bétail, ils ont arrêté ses chevaux, ils ont piqué les charrettes, ils ont carrément plus, ils ont fait la guerre. C'est-à-dire, mais que font les forces de l'ordre? Bien, au début de fin régence, début Louis XV, on a trouvé quand même que ça faisait beaucoup. Pour que même Versailles soit au courant, La vérité, moi j'ai appris Néou, je suis de la Manche, je ne savais pas que Néou ça existait, en cours de licence sur les cours souveraines, les cours souveraines de justice. Le Conseil d'État apprend qu'il y a une situation invraisemblable. C'est pas aussi beau que les bonnets rouges bretons, mais c'est quand même pas mal. Il a fallu leur envoyer l'armée. Mais c'est pas ça qui fait peur aux potiers. Oh là là, tous militaires qui sont. Vous avez vu le paysage où c'est? On peut pas faire de bataille rangée. On va forcément avoir des haies, on va avoir des guetteurs, on va avoir des ponts, on va... Ils vont leur faire des misères. Évidemment qu'ils vont leur faire des misères. Bon là, le gars il se plaint, il en peut plus. Il a l'impression qu'il s'est fait rouler. Bah oui, qu'il s'est fait rouler. Qu'est-ce que nous dit? Ils ont piqué une poêle de cuivre de 40 pots, volée aux gardes, lesquels ayant retourné leur servaient de table à manger, en sorte qu'ils ont alors coupé, pillé toute la forêt à hauteur d'homme, déshonoré les arbres. Ça c'est, en Normandie c'est des choses qu'on fait pas. Restant d'un très beau bois de haute futaie, ah bah oui, de belles venues de bois chêne et hêtre, de 2500 vergers, ça fait quand même une taille. Ils ont ruiné le fond, ils ont creusé des carrières. Alors, quand j'étais étudiant, mon cousin m'a emmené dans une des propriétés seigneuriales pour voir ce que c'est que ces trous dont on parle dans les archives. Bien, c'est à côté de Négreville, alors là c'est pour Sospigny plutôt que pour Néou, c'est vrai que ça ressemble à la Lune. Ils font des excavations de 3 à 5 mètres de profondeur parce qu'ils suivent le gisement. Et s'il y a des arbres dans les environs, c'est pas grave, on les renverse. Ah, d'accord. Et le propriétaire, il a qu'à se taire. La terre est à tout le monde, le bois est à tout le monde, et faut bien travailler, quoi, dans la pratique. Et quand vous verrez le lieu où ils le font, franchement, c'est gonflé. Que font les autorités? Ah oui, ça, c'est à se demander. Les rebelles de Montroc délibéraient en sa présence de quelle façon ils devraient achever. Le patron de la maréchaussée, donc le sieur Leclerc, exempt de la gendarmerie, étant allé avec monsieur le marquis de Montsort assister à la reprise en main de la région, est tombé lui et son cheval dans une fosse, a été pris, mis en état de mort et emmené par les rebelles de Montroc qui discutaient en sa présence de la façon dont ils allaient le tuer. Bah, c'est la guerre enfin! Ils nous empêchent de travailler! Alors? De tels excès ont été pas recommis avec tant de violence et exécutés avec tant d'insolence, de fureur à main armée, que tous ces bandits attroupés avec des fusils et autres armes faisaient des feux la nuit dans le bois, faisant des huées qu'on entendait jusqu'à la maison de la Roquelle, tirant toujours des coups de fusil, tantôt pour épouvanter, tantôt pour donner le signal à leurs complices, en sorte que les gardes et les domestiques de la Roquelle n'osaient plus s'y présenter, sachant qu'ils les cherchaient tous à tuer, le garde n'osant même aller à la grande messe à Néou, ayant été obligé de garder plusieurs années son cheval de monture à l'écurie, n'osant le mettre pendant l'été à pâturer dans ses pièces, ayant été averti qu'il cherchait à le lui voler pour l'empêcher de faire ses rondes. C'est vrai qu'un garde sans cheval va beaucoup moins vite. Il peut bien sacrifier sa bête. Ce qui doit être à votre connaissance, monsieur, puisque vous avez bien voulu, pour la conservation de sa vie, lui donner une place de cavalier dans la maréchaussée, l'ayant reconnu comme garçon de cœur. Finalement, la justice a décidé d'intervenir en 1734. Il a fallu une dizaine d'arrêts du Conseil d'État. C'est comme un truc colossal. Il a fallu envoyer les dragons. Bon, on a réussi à détruire les fours, quand même. Alors, on se souvient qu'en principe, on aurait dû avoir qu'une poignée de fours. Ils en avaient une vingtaine. Une vingtaine de fours, on sait qu'il y a en gros pour un four, on a 3 ou 4 potiers qui gravitent autour, ça vous donne une idée de l'étendue de l'activité. Et il y a eu en tout 35 arrestations, c'est les principaux meneurs, et il y a eu 400 témoins qui ont été amenés à plaider. Les archives de la gendarmerie de Caen, les affaires de Néou représentent presque entre le quart et le tiers des papiers qu'ils ont fait pendant tout un siècle. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de témoignages, tout le monde cause, mais on n'y comprend rien, mais qui est qui, mais qui fait quoi? J'y ai passé des années, j'ai repris le chantier, j'ai pas réussi à en faire le tour, tellement il y a de jus. Et ça a donné quoi? Bah, un certain nombre de potiers sont tout simplement morts dans les prisons de Bayeux à cause des conditions d'incarcération, mais d'autres ont réussi à s'évader parce qu'ils ont réussi, là ils sont très forts, à faire embaucher leurs filles comme servantes à la prison pour fournir les prisonniers en acide sulfurique, pour aider à passer au travers des barreaux. On a même trouvé des billets écrits par des potiers pour communiquer entre l'intérieur et l'extérieur dans un langage semi-codé, avec des phrases que même la grande section de maternelle aurait du mal à écrire. Donc ils arrivent à s'envoyer des messages entre l'intérieur et l'extérieur, et une partie a été évadée, le reste a été condamné par contumace. Et en gros, entre 1750 et 60, l'activité potière à Néou est réduite. On entend à nouveau parler d'eux en 1760 parce que les gardes se plaignent qu'ils ont dressé des chiens à traquer les gardes. Bah, c'est vrai que les chiens, ça sert à attraper les animaux. Ça peut bien attraper des gardes forestiers aussi, quand même, c'est pas compliqué. Alors c'est vrai qu'un garde forestier a quasiment aucune chance contre une meute de chiens. Surtout quand il est bien entraîné à courser le garde. Et puis d'abord, le garde n'a qu'à courir vite, c'est tout. Voilà. Alors celui-là, il est joli aussi, c'est un peu plus tard. Donc c'est au moment du défrichement de la forêt de Brie, je vous ai dit qu'à la toute fin de la période. Alors première phase, l'État dit « je suis propriétaire », se rend compte que finalement la forêt est un business qui rapporte pas tant que ça, que le bois de marine n'aura pas autant de bateaux qu'on voudrait contre les Anglais, et on a décidé de privatiser l'ensemble du domaine public dans le nord de la Manche. Et pour les potiers de Sospigny, c'est une catastrophe, puisque cette fois-ci on n'a plus affaire à des gardes de l'État, mais on a des gardes qui sont souvent d'anciens militaires, ce sont des privés, et qui n'ont pas le sens de l'humour du tout. Surtout qu'on a pris exprès des gens qui n'étaient pas du pays, qui ne comprennent pas ce qu'on dit, et qui n'ont pas saisi la subtilité du pays local. Et là, le procès-verbal, la première fois que je suis tombé sur ce texte, je suis resté renversé, j'étais encore étudiant, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà que François Mouchel, Mouchel Lamar et Étienne Le Poitvin dit Pignot et son copain, donc journalier Potier, ont été interceptés par un garde. Et comme le garde leur a dit qu'il n'avait pas le droit, ils l'ont expliqué à coup de pelle que si. Et le garde dit dans le procès verbal qu'il aurait été tué si des secours n'étaient pas arrivés. Et le Mouchel Potier s'en va en lui disant « Va te faire foutre, tu es le maître aujourd'hui, tu ne seras pas demain ». La première fois que j'ai lu ça, moi je suis un gars pas méchant du tout, mais c'est un Mouchel Lamar, c'est comme ça qu'on parle dans chez nous. Va te faire foutre, tu es le maître aujourd'hui, tu ne seras pas demain. En plus c'est vrai qu'à se mettre à trois pour tabasser un gars, c'est quand même un courage extraordinaire. Et là, interrogé par la police, on lui dit, alors vous avez fait ça? Il dit, ah non, on n'est pas au courant, hein, que ça, et que quand même vous auriez pas dû, oh mais, on l'a... non, c'est une erreur, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui portait le même nom. Parce que c'est ça qui est beau dans l'homonymie, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Comme déjà, il n'y a pas de loi, enfin du moins, elle n'est pas appliquée dans la zone, on est dans ce qu'on appelle une zone de non-droit. Et comme en plus ça a été privatisé, on est dans le domaine de quelqu'un. Donc la loi, c'est celle du propriétaire, c'est celle du roi, c'est quoi? On ne sait pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'endroit où font des trous. Le texte dit qu'il y a eu un accrochage assez sévère avec un garde qu'ils ont un petit peu démonté à coup de pelle. Avec mon cousin, on s'est introduit dans la propriété, c'est vrai, c'est illégal, mais ne le répétez pas. Et ça, c'est le château de Pont-Rilly, à Nègreville. Mon cousin m'a introduit quelque part par là dans les années 80, et il m'a montré les endroits où se faisait l'extraction. Or, ce qui est quand même pas mal, c'est que ce château appartenait au bailli du Cotentin, c'est-à-dire en gros le premier officier de justice de toute la Manche. Et le gars, il n'est pas au courant qu'il y a des gars qui transforment son terrain en champ lunaire. Soit il a des problèmes de vision très graves, soit il y a moyen de s'arranger. On est en Normandie. Alors parmi les choses intéressantes, les épis de fêtage et les tuiles fêtières qui font le sommet de sa toiture sont en poterie de Sosmeny. Ce qui prouve qu'on peut quand même trouver un terrain d'entente. Il laisse dévaster ses propriétés et en échange, il a la déco qui est fournie. Vous voyez que Normandie, c'est pas très compliqué dans la pratique. Ah, petit détail rigolo, pas rancunier les petits Sosmeny. Hein, Louis XVI, vous savez peut-être qu'il n'est sorti de Versailles que deux fois dans sa vie, le brave garçon. La deuxième fois, c'est Varennes, donc on va pas en parler, c'est pas la peine. C'est une sortie ratée, en famille, avec une berline orange et verte, une course-poursuite, enfin un truc lamentable. La première fois qu'il est sorti, c'est en 1786, le roi de France sort et il va où ? À Cherbourg. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'il était spécialiste des coffres-forts, dit une légende, c'est simplement qu'il aimait bien les travaux mécaniques et il s'y connaissait en construction marine, navigation. Ce gars qui sortait pas de son château était fort intéressé par les explorations et la marine à voile. Donc il est allé à Cherbourg voir les travaux qu'on avait faits pour que la ville soit défendue contre les Anglais. Et lors de la visite, il a pris le bateau, il est allé même commenter les manœuvres de bateau et les installations de batterie tout autour de Cherbourg. Lors de la visite du roi, à Cherbourg, on est des gens qui ont le sens de l'accueil. On s'est dit, il faudrait quand même qu'on lui fasse un petit accueil à la hauteur. Et ils ont demandé au potier de Sosmeny de construire un arc de triomphe de 4000 lampions. Oui, c'est vraiment de la toute petite poterie. Et ils ont fait 4000 lampions disposés comme une sorte d'arc pour un empereur romain. 1786, ça peut faire référence à la victoire française pendant la guerre d'Amérique. Là, il s'agit simplement de dire qu'on reçoit Louis XVI, il sort de chez lui, brave Jean, il vient à Cherbourg, et la déco est fournie par les potiers de Sosmeny. On a même la facture, ce qui est quand même assez étonnant. Et puis, vous savez qu'après, il y a la Révolution. La Révolution dit qu'il n'y a plus de droit d'usage, mais comme nous, on n'en avait pas. Ça ne nous dérange pas particulièrement, si vous voulez. Et petite conclusion. On a essayé d'expliquer que les petits ont organisé la société autour d'eux aux limites de la loi, et que ces limites de la loi, finalement, la Révolution n'a aucune prise sur eux. Alors, qu'est-ce qui fait que l'activité finit par disparaître ? Deux, trois choses toutes bêtes. Le service militaire, ça fait beaucoup de mal. Parce que le métier de potier, ça prend sur une très longue durée. Et l'interruption pour un jeune qui a commencé à 14-15 ans, il faut à peu près 6 ou 7 ans. Ça, on le sait par les textes. 6 ou 7 ans pour faire un bon potier. Si c'est coupé par le service militaire, il faut quasiment tout recommencer. Donc, dans la pratique, Là, la conscription, ça fait beaucoup de mal. Vous allez me dire, le service militaire est inventé quand ? Fin du directoire en 1798, rendu efficace par Napoléon, parce que sinon ça marchait pas. Et donc les périodes de guerre leur font beaucoup de mal. L'activité s'éteint, elle a pris un coup pendant la Première Guerre mondiale, et elle ne s'est pas relevée de la Deuxième. Ça, manifestement, les guerres ont fait beaucoup de mal. D'autre part, la concurrence de la vaisselle qui n'est pas de terre, la concurrence du verre déjà, parce que la démocratisation de la production de verre a fait beaucoup de mal à la poterie. Et puis, la consanguinité, c'est quand même assez terrible dans la pratique. Ne regardez pas comme ça. Quand j'étais petit, que j'allais, mon père, on allait une fois par mois à l'église de Sousmény, je me souviens tout gamin des premiers rangs à l'église avec le curé qui avait, on veut dire, pas mal de défauts, mais qui avait la fibre sociale, pensait que les enfants handicapés avaient leur juste place dans l'église. Mais pour quelqu'un qui revenait sur la terre de ses aïeux, les premiers rangs, en effet, étaient terrifiants. Et moi, j'étais gamin, je comprenais pas tout. Je savais même pas qu'il y avait un rapport entre consanguinité et handicap. Il y en avait, même s'il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait l'alcool, on n'en a pas parlé. Et dans la pratique, ça avait quelque chose, effectivement, d'impressionnant. Et je saisissais bien qu'on n'était pas à notre place, que les gens qui étaient là étaient aussi de ma parenté, même si je la connaissais pas, parce que mon père avait quitté le village depuis longtemps. Comment dire, le milieu s'est autodétruit. Les derniers potiers de Sousmény, d'après ce que me disait ma grand-mère, se ruinaient à chaque cuisson parce que plus ils attendaient la cuisson, plus ils avaient chaud, plus ils avaient chaud, plus ils avaient soif, plus ils avaient soif, plus ils avaient envie d'ouvrir le four pour voir où en était la cuisson. Et je vous ai parlé d'un gâchis invraisemblable de 35 à 40% de la production pour ouverture prématurée. Oh, j'étais fini, allons, j'allais voir. Bah non, on a commencé tout à l'heure. Non, je ne rappelle pas. Oh. Et c'est un marchand d'alcool qui a fini par avoir les derniers potiers, justement. Il les a ruinés dans l'activité. Il leur fournissait lui-même le carburant et eux, ils ne s'en remettaient pas. Bon, et alors on a dit un monopole en forme de maquis familial, je pense que la notion de maquis, vous l'avez compris, inviolé jusqu'à la Révolution, ça va, un monopole qui a restreint la multiplication des ateliers à tous ceux qui portent le même nom. Donc l'explication que me donnait mon père, c'était pour garder les secrets de métier, ça n'a pas de sens. En réalité, c'est simplement pour bénéficier de façon abusive du droit accordé à un nom de famille et en gros faire porter le privilège à tous ceux qui portent cette homonymie. Donc si vous voulez, c'est l'idée qu'on s'appelle tous Dupont et qu'on a tous le droit de le faire. Voilà. Et que celui qui ira vérifier, je lui paye 1 kilo de prunes. Parce que dans la pratique, quand on essaye de remonter les arbres généalogiques, je dois avoir 16 ou 17 fois le même nom de Mouchel dans mon arbre à 16 générations, et c'est presque tous des lignages potiers, puis des Le Poitevin, oh ben non, une dizaine, puis une dizaine encore de Valognes, mais c'est assez terrifiant, c'est que d'habitude, quand vous faites votre arbre généalogique, c'est un peu comme les doigts de la main, ça s'écarte à mesure, ah ben non, moi ça se resserre. Je n'ai pas trouvé Adam et Ève, mais je sens qu'ils auraient été petits, ils étaient sur le coup. Enfin, dernier point, parce qu'on est en géographie, il est évident que nos potiers sont un moment important de l'histoire de Normandie, c'est celle de la conversion des pays de forêt en pays de bocage. Il est évident que le développement de la poterie a un rapport avec le développement de l'économie laitière, c'est quand même le 19e principalement, le développement de l'alcool, c'est quand même une partie de la Basse-Normandie aussi, et donc on a bien compris que le potier n'est pas écologiste, c'est pas son affaire, mais il a contribué lui-même à se ruiner tout seul. En dévastant les forêts, au point même de décourager toute activité industrielle, il a petit à petit scié la branche sur laquelle il était assis. Voilà. C'était Patrice Mouchel-Vallon qui racontait l'histoire des communautés potières dans le Nord Cotentin. Et voilà, il avait fait un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle L'histoire des communautés potières du Nord Cotentin du XVIe siècle à la Restauration. Bien voilà, cette émission se termine et je vous dis à la prochaine. Thank you.